And I cried when they shot Mr. Kennedy, as though I'd lost a father of mine. But Malcolm X got what was coming. He got what he asked for this time. So love me, love me, love me. I'm a liberal. Get it? I go to civil rights rallies, and I put down the old D.A.R. D.A.R., that's the Dykes of the American Revolution. I love Harry and Sidney and Sammy. I hope every colored boy becomes a star. But don't talk about revolution. That's going a little bit too far. So love me, love me, love me. I'm a liberal. I cheered when Humphrey was chosen. My faith in the system restored. And I'm glad that the commies were thrown out from the AFL-CIO board. And I love Puerto Ricans and Negroes as long as they don't move next door. So love me, love me, love me. I'm a liberal. Ah, the people of old Mississippi should all hang their heads in shame. Now I can't understand how their minds work. What's the matter, don't they watch Les Crane? But if you ask me to bust my children, I hope the cops take down your name. So love me, love me, love me. I'm a liberal. Yes, I read New Republic and Nation. I've learned to take every view. You know, I've memorized Lerner and Golden. I feel like I'm almost a Jew. But when it comes to times like Korea, there's no one more red, white, and blue. So love me, love me, love me. I'm a liberal. I vote for the Democratic Party. They want the UN to be strong. I attend all the Pete Seeger concerts. He sure gets me singing those songs. And I'll send all the money you ask for. But don't ask me to come on along. So love me, love me, love me. I'm a liberal. Sure, once I was young and impulsive. I wore every conceivable pin. Even went to socialist meetings. Learned all the old union hymns. Ah, but I've grown older and wiser. And that's why I'm turning you in. So love me, love me, love me. I'm a liberal. We are ready. We have safety rules that car drivers and people who are walking must obey. Now, we must be ready for a new danger, the atomic bomb. You can't kill me. I will not die. Not now. Not ever, no, never. I'm gonna live a long, long time. My soul is on forever. Oh! Time has come. We will not wait. We storm the gates at dawn. tell me when I can drink and what I can drink. They want to ban drugs and sex and everything. People want to have a lot of rules. A lot of rules and regulations. But listen up. Listen up, Mr. Rules and Regulations. I ain't gonna obey it! That's right, man. I ain't gonna do what you say. Oh, you can put me in jail. You can kill me. You can execute me. But you can't kill rock and roll, man. I'll tell you another damn thing. I ain't eating no more fucking McDonald's either. I ain't gonna eat it no more. I ain't gonna eat it because it don't taste good. You know what? McDonald's, you kiss my butt! McDonald's, kiss my butt. It's a great big hairy butt. Got a dingleberry hanging off my butt. McDonald's, kiss my ass. You know, people say, Mojo, you're always complaining about everything. Why don't you vote in the election? Why don't you become involved in the electoral process? Oh, yeah. Vote for Clinton, Mojo. It's going to make everything nice and new and neat. We got one fool, just as big a fool as the other fool. Ain't nothing changed. Same fools riding around in the black cars. We still riding around on the subway, riding around in the bus. We riding around in a 1978, you know, 1978 El Torino or some damn thing. Leaking oil, we ain't got no money. Gotta pay taxes, everything's screwed up. I ain't gonna take it no more. I'm gonna start an armed insurrection. I'm gonna go to the hills of West Virginia and I'm gonna liberate some guns from a National Guard armory. I'm gonna start armed revolt because at some time in the course of human events it becomes necessary to disassociate yourself, the ties that bind. I wanna break them ties. I wanna bust them up. So there I am standing around a campfire in the hills of West Virginia. And the flames are shooting up high. And I happen to be the head of the armed insurrection, the Rebel Alliance. And I'm going to sing our brand new national anthem that goes something like this. You can't kill me. I will not die. Not now. Not ever. No, never. Wow. I'm going to live a long, long time. My soul is on. Je ne mangerai plus jamais au McDonald's parce que ça goûte pas bon. Oh là là, on vient d'entendre Mojo Nixon avec You Can't Kill Me, vous pouvez pas me tuer. Et juste avant, c'était Love Me, I'm a Liberal de Phil Hawk et La Java des bombes atomiques de Boris Vian. Moi, j'ai absolument rien à dire sur les élections. Il y a des poètes qui ont déjà tout dit avant moi, et beaucoup mieux. Mais Phil Hawk, c'était ce qu'on appelle un protest folk singer, la catégorie très, très restreinte de ces gens-là, qui font des chansons pour les syndicats, les étudiants, les gens en colère. Et M. Hawk participait à toutes les grandes manifestations contre la guerre du Vietnam, pour les droits civils, les droits civiques, comme on dit. Même, il a déjà organisé aussi des événements syndicaux, des... Et politiquement, Hawk se décrivait lui-même comme un social-démocrate de gauche, mais après les grandes protestations de 68, il s'est... Il disait qu'il était, c'était un révolutionnaire précoce. Et dans les années 70, sa santé mentale s'est mise à décliner. Il y avait un problème de bipolaire et puis d'alcoolisme. Et il s'est suicidé en 1976. Il a laissé quand même derrière lui plusieurs centaines de chansons.

free brain can feel superior. No longer will I play the child. So in your big daddy false theater of the retarded. Retarded sucker. Yeah. Don't tell me what to do, cause I just might turn on you, and I ain't never working another day in my life. I'm excluding, I'm on fire. I'm gonna give my mind still tired. Oh! Hey, hey, hey! How. Oh. Yeah, keep rocking, Skid. Care about the paychecks, I don't care about the job security, I don't care about the goddamn health plan or the lousy vacation, I don't care about the rent. You know, I'm out in the front yard sawing up bill collectors with a chainsaw. That's right, that's right. And I'm on my lunch break, sucker, all the way to 5 o'clock, you hear me? And this is a personal phone call. That's right, and I don't care what time it is. I'm showing up when I want to, cause, yeah, I ain't got no job, I ain't got no boss, I ain't got no car, don't gather no more. I ain't got no fear, I'm getting out of here, yeah, yeah, yeah, yeah. I ain't got no home, I ain't got no country, ain't got no love, I ain't got no money, ain't got no nothing, and I'm out of my time, yeah. No, I'm not gonna be a slave, and I'm not gonna go to my grave, and I ain't working here anymore. I'm excluded, I'm on fire, I'm gonna live myself with desire. Oh, I'm gonna go, gotta go, gotta go, go. I'll let my people go, let them people go. Si on regarde le sida, tout simplement. Vous regardez la pandémie de sida, le nombre de morts que ça a fait, c'est en train de décimer des villages complets en Afrique. On peut se poser vraiment une question, à savoir si le terrorisme est vraiment le danger si important auquel on fait face. Moi, j'ai comme un doute. Vous savez, juste à regarder les catastrophes naturelles, quand il y a une catastrophe naturelle, ce que ça fait comme dégâts, comme magnitude de dégâts, c'est incroyable par rapport aux attentats terroristes, et même l'attentat terroriste le plus grand, le 11 septembre, est, à mon avis, pas arrivé à la cheville de Katrina. Là. Through the rippling shadow waters, still across the thirsty border, blues set on. Come bring your hungry body to the golden fields of plenty, from a peso to a penny, blues set on. California, where the friendly farmers will take care of you. Come labor for your mother, for your father and your brother, for your sisters and your lovers, Bruceiro. Come pick the fruits of yellow, break the flowers from the berries, purple grapes will fill your bellies, Bruceiro. Oh. sun will bite your body, as the dust will dry you thirsty, while your muscles beg for mercy. Lucero, in the shade of your sombrero, drop your sweat upon the soil, like the fruit your youth can spoil. Lucero, welcome to California, where the friendly farmers will take care of you, when the weary night embraces sleep in shacks that could be cages. They will take it from your wages, Lucero. Come sing about tomorrow with a jingle of the dollars, and forget your crooked collar, Lucero. Besides, we'd have to pay them double, Lucero. Ah, but if you feel you're falling, if you find the pace is killing, there are others who are willing, Lucero. We'll take care of you. Viens, viens, petit immigrant mexicain. Les gentils fermiers de Californie s'occuperont de toi. C'était un message de Phil Hawk avec sa pièce Bracero. Juste avant, on a entendu Ain't Got No Bar de Mojo Nixon et Le Petit Commerce de Boris Vian. C'était un bloc consacré au travail. Qui est Mojo Nixon? C'est un auteur qui a une obsession sur McDonald's. Il a fait plusieurs chansons qui parlent de McDonald's. Dans l'autre bloc juste avant, il parlait. Il disait que McDonald's, c'est pas bon. Il y a une chanson aussi qui dit. Il y a une chanson qui s'appelle Jesus at McDonald's. Il parle pas mal souvent de McDonald's dans ses chansons. Et il est connu pour être un auteur psychobilly. Mais psychobilly, d'habitude, il faut aborder des thèmes comme les vampires, les loups-garous, puis les extraterrestres, mais j'ai pas vraiment entendu ça. Je dirais plutôt rockabilly, en tout cas. Si on veut le mettre dans une petite boîte, là. Et. Il se produit plus en spectacle maintenant, mais il anime plusieurs émissions sur la radio de Sirius, la radio satellite. Et en 2009, il avait dit qu'il ne prendrait pas sa retraite. D'ailleurs, il a sorti un album gratuitement téléchargeable sur son site. Et il a dit la chose suivante. « Can't wait for Washington to fix the economy. We must take bold action now. If I make the new album free and my entire catalog free, it will stimulate the economy. » It might even overstimulate the economies. Ça va surstimuler l'économie. History has shown that when people listen to my music, money tends to flow to bartenders, racetracks, late night greasy spoons, bail bondsmen, go-kart tracks, tractor pulls, football games, peep shows, and several black market vices. My music causes itches that it usually takes some money to scratch. Ma musique cause des grattements, des... Comment est-ce qu'on dit en français? Des itches. Ça pique. Et ça prend de l'argent pour gratter. Voilà. Vous écoutez le Cirque Aquatique Magique en votre compagnie François G. Couillard, c'est Coya.

charge $8 million on the master charge. Can't buy a beer. You can vote for one fool or another, but you can't buy a beer, because this is America. America that's run by the lowest common denominator. The money. How many units did you move, Mojo? How many things of apple juice did they sell, huh? Come on, suckers. Come on, feel it. Feel it. Yeah. And then burn down the mall. And burn down the shopping mall. Burn down the mall. Burn down the mall. And then burn down the shopping mall. Burn down the shopping mall. Burn down the shopping mall. Nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Draft Dodger Rag. Oh, I'm just a typical American boy from a typical American town. I believe in God and Senator Dodd and keeping old Castro down. And when it came my time to serve, I knew better dead than red. But when I got to my old draft board, buddy, this is what I said. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I got eyes like a bat, my feet are flat, my asthma's getting worse. Yes, thank you, my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plant. I got a dislocated disc and a racked up back. I'm allergic to flowers and bugs. And when the bombshell hits, I get epileptic fits, and I'm addicted to 1,000 drugs. I got the weakness woes, I can't touch my toes, I can hardly reach my knees. And if the enemy came close to me, oh, I'd probably start to sneeze. Yes, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I got eyes like a bat, my feet are flat, my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plan. I hate Joe and Lie, and I hope he dies, but one thing you gotta see, that someone's gotta go over there, and that someone isn't me. So I wish you well, Sarge, give him hell, kill me 1,000 or so. And if you ever get a war without blood and gore, I'll be the first to go. Yes, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I got eyes like a bat, my feet are flat, my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plan. D'entendre Phil Hawk avec sa pièce Draft Dodger Rag. Juste avant, c'était Burn Down the Wall, the Malls de Mojo Nixon et la fameuse chanson Le Déserteur de Boris Vian. Je suis certain que vous n'avez pas découvert grand-chose sur cette pièce-là. Je suis certain que vous la connaissez déjà. Boris Vian, est-ce que je dois vraiment le présenter? C'est vraiment un géant de la chanson française. Auteur, compositeur, interprète, musicien, jazzman fameux, chanteur, traducteur, critique, acteur, inventeur et ingénieur. C'est lui qui a écrit une chanson que les jeunes enfants peuvent lire au cégep. Le fameux bouquin « L'écume des jours » qui est un livre existentialiste. C'était à l'époque de Jean-Paul Sartre et tout ça. Bon, on s'entend, c'est un livre qui est plate à mort, mais c'est quand même un livre qui a marqué l'histoire de la culture française. La vie de Boris Vian a été parsemée d'embûches, c'était des vraies montagnes russes. Il a connu un succès plutôt mitigé. Il y a des fois qu'il pognait, des fois il pognait moins, mais il est mort très pauvre. Il est mort pauvre. Et même sa mort est assez spéciale, même ubuesque, on pourrait dire. En 59, il assistait à une représentation de son roman « J'irai cracher sur vos tombes », qui est en fait un gros pastiche de roman noir américain. Il y a des gens qui ont voulu faire un film avec ça, puis lui, il était pas vraiment d'accord avec les producteurs, et il voulait même que son nom soit retiré des crédits du film. Alors, en 59, il va au cinéma pour voir la présentation de son propre film, le film sur son livre, en fait. Et quelques minutes après que le film ait commencé, il aurait crié « Ces gars-là sont censés être américains! Mon cul! » Puis il s'est effondré dans son siège et il est mort d'une crise cardiaque. C'est vraiment n'importe quoi. Et Boris Vian, c'est un gars qui avait un stress fou sur scène. C'est un peu comme Georges Brassens, là. Il était pas capable de chanter ses propres chansons. Il a pas réussi à trouver des interprètes à leur goût. Et à chaque... pendant un bout de temps, il tenait absolument à chanter la chanson « Le déserteur », qui est probablement sa chanson la plus connue. Et il y avait beaucoup discuté à chanter cette chanson-là, puis même qu'il se faisait huer fréquemment, puis même qu'il était sur le bord d'avoir des émeutes parfois pendant ses spectacles à cause de cette chanson-là. Et il y avait même des vétérans qui le suivaient dans les spectacles pour causer du trouble quand il chantait cette chanson-là. Qui est une chanson des acteurs, qui est une chanson extrêmement puissante. Les paroles sont absolument... c'est des paroles qui frappent. Une chanson anti-guerre. Et je tenais à parler de trois thèmes aujourd'hui, désertion, travail et élection, de trois auteurs différents, de provenances différentes, juste pour montrer comment ce que les mêmes thèmes reviennent constamment dans l'histoire, peu importe l'endroit ou l'époque ou le temps. C'est toujours à peu près le même message que les trois véhicules. Alors, vous voyez... tout est déjà là. Tout a déjà été dit. Allons écouter un petit bloc consacré au rappeur Damien, tiré de son album L'Amour Ninja. Monsieur Villeneuve, c'est votre tour pour la présentation orale. Hein? Réveillez-vous. C'est aujourd'hui? Ben oui, c'est aujourd'hui. Ah oui, vous voyez pas que la classe attend, là? Ah oui, dépêchez-vous. Les drogues et la société. George Bush, c'était un drogué. Ça fait des années qu'on le sait. Des drogués, y en a partout, y en a même walké. C'est pas parce que t'es un drogué que t'es un fucké, ok? Dans notre société, on drogue même les bébés un peu plus tard. On les drogue pour qu'ils puissent fonctionner à l'école, avec les autres enfants drogués. Les profs cherchent pas, c'est tous des astis drogués. Quand c'est pas le café, c'est le vin rouge pour déjeuner. C'est pas mieux au ministère de l'éducation. Lis un bulletin de la réforme, tu vas voir, y en fume du bon. Pareil comme dans police, on n'a jamais vraiment su ce qu'ils faisaient avec le pote qui nous confisque. Méchante belle gang de drogués à DPJ. Après ça, on se demande pourquoi la jeunesse déprécie. Pour être assez précis, dans le show business, c'est x10. Mais t'as aussi les fifs qui arrivent en tête de la liste. Fait que dis-toi qu'un artiste fif dans le show business, ça se défend Christ un soir de Saint-Jean-Baptiste. Calice. Monsieur Villeneuve, vous allez faire attention à votre langage, sinon je vais devoir mettre fin à la présentation tout de suite. Ta mère, c'est une coquée. Ton père est toujours gelé. Moi-même, en ce moment, je fucked up en train de vous parler. Toi aussi, t'es batté. À vouler, t'as vu, je t'ai vu. Une chance. Parce qu'autrement tu m'aurais déçu. Tu créerais pas toute la dope qui se glisse au pen. Il se passe plus de balles de tennis qu'au US Open. Aux Olympiques c'est un moyen trip. Ça doit pas être du coulin que les médecins piquent. 24 000 seringues, zéro hépatite. Avec ce shit là, toi aussi tu ferais la split, gars. Tu de rester actif en tes cas. Monsieur Villeneuve, tenez-vous à des propos qui sont vérifiables dans un contexte que l'on peut considérer. Les dessins animés consomment comme t'as pas idée. Mickey Mouse est sous le moche, Donald est sa roche. Minnie est reparti sur l'ecstasy avec Bambi pendant que Bugs Bunny t'en désintox. Y'a plus rien dans les poches. Y'a tout perdu dans Fusion Time pis de Warner Bros. Pas besoin de vous dire pourquoi qu'elle s'appelle Blanche-Neige. Pris à temps plein avec cette main, toi aussi tu voudrais en faire. Là, vous me parlez de personnages imaginaires d'un autre monde. J'ai de la misère à mettre une note là-dessus. Je pense que je vais devoir vous faire courir, M. Villeneuve. Le pape, c'est un drogué. Le Père Noël, c'est un drogué. Ben Laden, c'est le plus gelé. Lui-même, il sait plus où ce qu'il est. Saddam Hussein était buzzé toute la journée. J'aimerais ça que mes muffins gel comme ceux de Sœur Angèle. On se drogue à Noël, puis on se drogue au jour de l'an. Le jour du souvenir, on se drogue comme dans le bon vieux temps. Je me suis drogué à ma fête, lendemain j'avais mal à la tête. J'ai pris un petit peu de drogue pour pas laisser ça paraître. Ils ont même inventé une drogue pour se faire violer. Je n'ai pris 3-4 fois, puis je compte et c'est rien passé. On se drogue quand on est malade, puis on se drogue en santé. As-tu de la drogue, sa première affaire, je dis après enchanté. On drogue les femmes enceintes pour qu'ils puissent s'enfanter. Quand j'ai plus de drogue, j'ai comme l'impression d'être en danger. Quand je prends de la drogue dans ma chambre, je mets le signe défense d'entrée. Bon. Merci beaucoup, M. Villeneuve, pour cet exposé sans queue ni tête qui a perdu plusieurs minutes de notre précieux temps ici à moi et à toute la classe. Écoutez, je pense que vous allez devoir recommencer le bac cette année. Visiblement, vous n'avez pas rencontré les objectifs. J'ai pas du tout aimé le sujet de votre exposé. C'est diffamatoire à la limite du vulgaire. Il sera impossible pour moi d'entendre plus de ces sornettes. Je vais devoir vous demander de regagner votre siège, M. Villeneuve. Et peut-être, si vous pouviez rester à la fin du cours, on pourrait s'expliquer un petit peu sur les motivations qui vous ont poussé à agir de la sorte devant tous et toutes. Nous aurons peut-être à souffrir, mais nous savons que l'Église du Seigneur gagnera le grand combat, puisque la victoire a déjà été remportée par Jésus à la croix. Gloire à Dieu! En tout cas, moi, ça a été une révélation, là, quand j'ai commencé le yoga, là, puis que j'ai fait brûler mes premiers bâtons d'encens, là, ça a tout changé. Sur terre. Quand je quitte la pièce, je ferme la lumière. J'ai fait un carillon avec mes vieilles cuillères. Avec les miettes de mes toasts, je fais de la litière. J'ai tellement de respect pour les mammifères que je vote parti vert. Je trouve leurs idées particulières. C'est vrai. En matière d'environnement, j'ai fait du porte-à-porte dans les logements environnants. C'est important de consommer équitable. Ça me procure un bien-être qui est véritable, c'est vérifiable. Mon homéopathe dit que c'est des produits fiables. Mon horoscope dit que c'est une journée profitable. C'est formidable, je comprends pas ceux qui prennent pas le virage vert. Ils ont pas d'affaires. Y'a tellement d'enfants dans le monde qui ont pas de parterre. Qui ont pas de parterre vert. C'est quoi ça? À l'huile de morue. Ouais. L'époque où on mangeait de la viande est révolue. C'est fini ça. Moi, mes protéines, je les prends dans le tofu. Je les fais goûter à tout le monde, ça leur a plu. Je prends mon linge à l'armée dessus. Salut, ça a pas d'allure. Wow. Tout l'argent qu'on économise, rien qu'en portant des vêtements écologiques. Quand la calotte glaciaire va être fondue, on va se dire j'aurais dondu. Faire moins de détritus, hey. Roule en Prius jusqu'à l'abribus. J'aime le transport en commun, comme pas un. J'aime sa chaleur, j'aime son parfum. Quand la STM monte les tarifs, je trouve ça opportun. C'est tellement beau, le métro Baudry. Pour aller là, je suis prêt à payer le gros prix. Tremolo d'envoi. c'est Bono. Il est tellement volontaire. Pour moi, les gens intelligents, c'est de ça qu'ils ont l'air. La pollution devrait être passible d'exécution. C'est un crime à l'endroit de toute la population. C'est comme les gaz à effet de serre. T'aurais dû voir celui que j'ai fait hier. J'étais tellement mal, j'étais pas tellement fier de moi. Pour ça aussi, faudrait faire de quoi. Le méthane émane du pète des vaches. C'est pas des farces. Quand j'ai appris ça, j'suis tombé en bas des marches. J'suis vert. De catastrophes qui vont venir sur cette terre, des temps bien pires que ceux qu'on a vus à date. Pour ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, ce sera réellement terrible. J'avais pas besoin d'alliés. J'aurais jamais pensé que j'étais pas sur damier du show business. Parce que dans ma musique, je faisais des rimes riches. Au lieu de raconter de la merde pour que ma tante ait sa hit list. J'ai comme ennemi le baby boom et le capitalisme. Puis s'il te plaît, aux cinquantenaires avec du rap Chris. Te souviens-tu quand on payait pour écouter de la muse? Bien avant l'époque, des refrains modifiés sur autotune. Hey Damien, on a-tu vraiment le choix? Ici Goliath, c'est l'industrie, puis David, c'est toi, puis moi. Parce qu'il rap intelligent, les sujets intéressants. Y'a plus que du bling bling, puis du chiolage sans les stressants. J'm'ennuie du temps où il se faisait autre chose. On achetait les disques, on allait au show. Parce qu'il rap intelligent, la télé néglige d'en parler. Les radios diffusent 14 en soirée. J'm'ennuie du temps où il se faisait autre chose. On achetait les disques, on allait au show. Qu'il rap intelligent, le crowd est moins exigeant. C'est la mode, on élabore de moins en moins les métaphores. Mis à part du slam, y'a pas grand chose qui se dit. À bord de l'autobus du show business, les poètes sont mis à mort. L'enseignement des anciens prophètes s'est perdu. On n'a plus de respect pour le verbe et ses vertus. Même chose pour les chiffres, on sait plus compter. Donne-moi un score de vente d'album qui a pas été gonflé. On en met-tu un autre? va dire celle-là. Et vous venez d'entendre trois pièces de Damien. Rap intelligent, vert et drogué. Vous avez peut-être reconnu la voix de mon oncle Serge dans cette dernière pièce. Il parlait comment tes couplets, si on veut. Une collaboration assez rare de mon oncle Serge. Mon oncle Serge, c'est rare qu'il fait ce genre de choses-là. Damien, est-ce que vous le connaissez? Peut-être que vous avez déjà entendu une de ses pièces qui est passée à Musique Plus qui s'appelait « J'essaie d'arrêter ». C'est une chanson sur l'alcool, la bière, la grosse bière. Donc on voit que c'est un thème qui revient fréquemment chez lui, la droge. Mais ce qui est rafraîchissant, c'est que c'est des textes ironiques, caustiques, drôles. Et il aurait déjà participé à un concours à Radio-Can aux côtés de Yann Perrault et Marat Tremblay. C'est, les paroles de ces chansons, c'est quand même intéressant. Il y a un propos intelligent, même si des fois c'est un peu simpliste les rimes, là, mais je pense que c'est peut-être fait exprès. Qui suis-je pour juger? Mais, mettons, avec la pièce, justement, rap intelligent, on reproche souvent au rap d'avoir certains... d'être sexiste ou des choses comme ça. Lui, justement, il dénonce ça dans cette chanson-là. Il dit où est-ce qu'il est rap intelligent. Aussi, dans la chanson Drogué, il dit tout le monde est drogué. Tu sais, c'est pas si grave que ça, après tout. Tu sais, on essaie toujours de faire culpabiliser les gens puis de leur dire mon Dieu, c'est terrible la drogue. Mais finalement, tout le monde en prend. Puis ça fait pas nécessairement de toi un fucké. Hein, il dit dans sa chanson, c'est vrai. Et puis la chanson Vert, il se moque gentiment des écologistes. Le rappeur Damien sur son album L'amour Ninja. Mais il y a déjà trois albums à son actif. Le bureau d'exploration aléatoire. Cette semaine, on prend un album de la discothèque de Sequoia, les vinyles. Encore un disque de Grace Jones. L'icône transgenre, lesbien, je sais pas trop quoi. C'est vraiment un drôle de personnage. Le vinyle s'intitule Portfolio et on voit sa face. Toujours, elle a l'air tout le temps un peu... c'est comme une louve des SS, là, un peu fâchée. Avec du gros maquillage sale en face. Et puis là, il y a le fond de son de la pochette est turquoise. On va découvrir ça. La première pièce s'intitule... Ouh, comment ça s'intitule? A Tour Molten Mix. Oh là là. Vinyle qu'on peut ouvrir. Donc, il y a comme quatre pochettes. Sur chacune des faces, il y a sa face. Ah, c'est Send In The Clowns. Oh, yeah. Un peu. Je vois que sur la face B, elle reprend la chanson La vie en rose. Ça me tente d'écouter ça pour le fun. La vie en rose de Grace Jones. Mmh. Elle va te chanter. Ça, sur chaque face du disque, il y a vraiment une face d'elle modifiée, comme très ficotée à une époque où ce que Photoshop n'existait pas. Et c'est vraiment de toute beauté. Il y a une de ses faces, je vais essayer de la décrire, là, c'est la couleur qui domine, c'est blanc. On voit son visage comme ça, comme avec la bouche mi-ouverte. Et puis il y a comme une peau de léopard en background, toujours en noir, en espèce de bleu pâle noir blanc. Ce qui fait que Grace Jones a l'air d'une genre de louve de l'Alaska. Va-tu chanter, Caroline? Ah! Ah, chante pas! Come on! Par le bout bas, tu vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Solo de piano pour la version particulière de Grace Jones de La vie en rose. C'est pas mauvais. En français. Alors je sens en moi. Oh! Mon cœur qui bat. La vie. Elles doivent aussi être mises sur une musique qui soit facile à écouter. Je crois qu'on ne doit pas oublier la nouvelle génération qui grandit parmi nous. Cette génération a besoin de s'exprimer avec des styles de musique que nous n'avons pas tous connus. Et je m'efforce de leur offrir des chants qu'ils auront du plaisir à chanter dans la présence de Dieu et pour sa gloire. Je... Deux questions pour déterminer si un style de musique est acceptable. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas d'une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. Yeah, Jésus est notre ami. C'était une pièce de Grace Jones. Merci d'avoir écouté cette version, cette édition de du Cirque Aquatique Magique. C'était pour moi un plaisir de vous accompagner. Peu importe ce que vous faites à minuit du soir. J'espère que vous n'êtes pas en train de réécouter les interminables débats des chefs. En nostalgie avec nos chefs disparus. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Si vous voulez écouter cette émission ainsi que toutes les autres, est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Vous pouvez le faire. jeunefou.blogspot.com. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Vendredi 6 mai à 17h à la Ninkasi. Wondering if this life's worth dying for. Dans le cadre d'un 5 à 7 au profit de CKIA FM 88.3, l'émission Profil présente un spectacle bénéfice. En vedette, trois formations de rock progressif de Québec, Deep Project, Mathieu Fizette, Vaillum et un artiste invité. Billets en vente au coût de $10 incluant une consommation à lepointdevente.com. En téléphonant au 418-529-8538 ou en venant à CKIA au 604 d'Abraham. C'est le vendredi 6 mai à la Ninkasi, au 811 rue Saint-Jean, de 5 à 7. Venez supporter CKIA. On vous attend.